mental, okay, c'est pas la même chose que la pensée. Que la pensée n'était pas le mental. Tu peux-tu vraiment expliquer? Vraiment, là. Bon, rentrer. Disons qu'on va aborder le. L'intellectualisation, ça sert à quelque chose? Le mental, bien sûr. La différence entre l'astral, l'intellect et le mental. Disons que je vais expliquer un peu les mécanismes qui font que la pensée, c'est pas grand-chose. Lorsqu'une personne pense, c'est relié à sa psychologie égoïque. Il n'y a que l'ego qui pense. Maintenant, l'ego peut penser d'une façon totalement astrale, d'une façon colorée par le mental, on pourrait dire, et c'est l'intellect. Et l'énergie mentale n'est pas reliée à l'ego. L'énergie mentale, c'est une accumulation logique de processus qui se mettent à la queue-leu-leu selon un ordre d'imbrication logique jamais forcé. Et l'intellect va forcer certaines imbrications pour que cela plaise avec des exemples, avec des comparaisons psychologiques qu'on appelle des concepts. L'énergie mentale, elle est capable de régler un problème à une vitesse qui est presque hors temps. C'est presque de l'instantanéité. Sauf que lorsque l'homme essaie de faire travailler son mental par le biais de sa pensée, c'est exactement comme, tout à l'heure j'ai donné un exemple à Pierre à l'extérieur de la conférence, c'est exactement comme si vous essayiez mentalement, disons pour un exemple, d'épeler mon nom, Daniel. Alors par le biais du mental, c'est exactement comme si le mental, pour épeler Daniel en passant par la pensée, je vais écrire à la dactylo Daniel. Si c'est mental, je fais D-A-N-I-E-L. Si c'est par l'intermédiaire de la pensée, ça va exactement donner le même résultat que si je devais aller peser sur la lettre D au deuxième étage de cet édifice, D. Je prends l'ascenseur, je monte au sixième étage, je m'en vais à l'autre coin, j'ouvre une porte, je rentre dans un bureau, là je pèse la lettre A, là je reviens, je ferme mes portes, là je dois descendre au sous-sol, je dois rentrer dans d'autres bureaux, ouvrir, débarrer, ouvrir un coffre-fort, ouvrir, peser sur la lettre N. Alors, tout le temps que ça prendrait à faire ça, bien, c'est exactement la même relation qu'on peut faire entre l'énergie mentale qui réfléchit et l'énergie mentale descendue dans la pensée pour réfléchir. L'énergie mentale, lorsqu'on l'amène dans la pensée, il ne sert presque plus à rien, il n'existe plus. L'énergie mentale, ça passe à une vitesse effarante, puis la pensée essaye de retenir des morceaux, ce qui fait qu'à un moment donné, on perd le fil de notre pensée. C'est-à-dire qu'on est en train de trouver la solution, puis d'un coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien au bout. Là, on doit fouiller des mémoires, puis là, la pensée qui est reliée à l'astral recommence à recréer un processus qu'on appelle le processus de la pensée, mais qui n'est pas un processus mental. L'énergie mentale va travailler et tout d'un coup, sous forme d'illumination, sous forme de flash, elle va donner sa réponse instantanée à la conscience de pensée de l'homme psychologique. Et l'homme va dire, ça y est, je viens de trouver. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a pas pensé. Parce que s'il y aurait pensé, cela aurait nui. Lorsque l'homme, par la discussion, arrive à éclaircir certains points, c'est parce qu'il ne pense pas quand il parle. Ce sont rares les hommes qui pensent quand ils parlent. Et c'est pour ça que la discussion peut aider un peu. Mais évidemment, c'est préférable si l'homme parle tout seul dans son coin. Maintenant, la pensée, elle est obligée présentement de s'exprimer le mental est obligé de s'exprimer par la pensée parce que c'est le seul moyen. La pensée, qu'est-ce que c'est la pensée? La pensée, c'est la conscience psychologique, c'est la conscience de l'homme. La pensée, c'est la conscience de l'homme. Lorsque l'homme n'a pas de pensée, il pense de ne pas avoir de conscience. Et la pensée, c'est la conscience psychologique de l'homme. Et pour que l'homme sache qu'il fait quelque chose, il doit l'avoir dans sa pensée. Et sa pensée se divise en plusieurs parties, dans une pensée qui est structurale, une pensée qui essaie de copier l'énergie mentale structurale que nous appelons l'intellect, une pensée qui est émotive, une pensée qui lui permet de triper sur certaines choses, une pensée qui est strictement mémorielle, une pensée qui lui permet de voir ce que l'homme a fait. Mais c'est la pensée, c'est la conscience de l'homme. C'est la conscience de l'homme pisséen, de l'homme du poisson. C'est la conscience limitée de l'homme, conscience astrale. Le mental, présentement, pour pouvoir dire à l'astral qu'il est là, se doit de s'exprimer par le biais de la conscience égoïque, de la conscience psychologique. Donc, le mental va, par le biais de la pensée, instruire l'ego de son existence. Ce qui fait qu'à long terme, l'ego finit par dire « j'ai des capacités supérieures ». Et à un moment donné, le mental peut dire « oui, mais tu me colores ». Et on commence à voir un échange entre le mental et l'astral dans la pensée. Strictement dans la pensée. La télépathie ne se fait pas par la pensée. C'est quelque chose qui est au-delà de la pensée. La télépathie qui permet la transmission instantanée de connaissances. À l'instant où je pense à quelque chose, tu penses à la même chose. Parce que j'ai communiqué l'énergie et maintenant tous les deux nous le plaçons dans la pensée, c'est-à-dire que nous en instruisons notre ego. Mais je ne peux pas penser, concentrer ma pensée, t'envoyer ma pensée, tu captes ma pensée, tu sais ma pensée. Non. C'est pas. La télépathie, c'est pas ça. La pensée, c'est quelque chose qui ne sert à rien. J'ai déjà fait faire l'expérience dans les PMC où on place la main et par la pensée, on se concentre pour faire bouger le bras, faire bouger la main. Ça marche pas. La pensée ne sert à rien. Elle ne sert à rien d'autre que de donner l'existence à l'ego. L'ego sait qu'il existe parce que l'ego pense. Et lorsque on dit « je pense, donc je suis », cela veut dire « je pense, donc j'existe ». Et c'est l'ego qui dit ça. Et lorsque nous disons « je pense, donc je ne suis pas », »,« je pense, donc dans la réalité de l'être réel, il n'est pas ». Il n'est pas conscient qu'il est là. Ne pas être conscient que nous sommes là équivaut à ne pas être là. C'est important. Vous ne savez pas que vous vivez, vous êtes mort. Et c'est pour ça que l'homme a peur de mourir, parce que l'homme a peur de ne plus savoir qui il est et qui il a été. Je pense, donc je suis, c'est faux, vu cosmiquement. Je pense, donc je ne suis pas, c'est vrai. Cosmiquement. La pensée, c'est donc un mécanisme, c'est la conscience astrale. C'est un mécanisme qui permet à l'ego de savoir qu'il est là. Il peut vomir dedans et observer ce dans quoi il a vomi et dire « tiens, c'est moi ». La pensée, c'est le miroir de l'ego. Et cette pensée peut devenir intellectuelle lorsqu'elle est colorée par le mental, c'est-à-dire lorsqu'elle permet certaines bribes du mental de venir dedans. Mais elle coordonne. Le mental ne peut pas être coloré tant qu'il n'est pas dans la pensée. Lorsque vous avez une idée, paf, de quelque chose, vous allez ensuite la déformer, ensuite la colorer. Mais si ce n'est pas dans votre pensée, ce n'est pas colorable. La pensée, c'est la conscience psychologique de l'homme. Et lorsque l'homme aura une conscience nouvelle, lorsque l'homme nouveau aura cette conscience nouvelle, une conscience sinon supramentale de son mental, mais la conscience mentale est une conscience supramentale. Le mental est planétaire. Et lorsque le mental sait quelque chose et qu'il sait parce qu'il sait qu'il sait, c'est supramental. La conscience mentale de l'homme est une conscience supramentale. Donc, cette pensée ne sert à rien. Cette pensée, on ne doit pas la détruire. Elle est un outil pour l'instant, mais elle ne sert à rien en ce qui concerne le développement de l'ajusteur de pensée, de ces choses-là. Et c'est pourquoi l'homme doit parler. Parce que la parole a un effet. La parole, elle est mentale, astrale, vitale et physique. Elle est sous tous les plans, la parole. Elle est enregistrable, la parole. C'est physique. Il y a de l'énergie dans la parole. C'est traumatisant. C'est vital. Il y a dans la parole d'autres choses. C'est psychologique, c'est astral. On peut manipuler quelqu'un. Il y a du mental, parce qu'on peut se faire comprendre des choses. La parole, c'est autre chose que la pensée. Vous pouvez penser, par exemple, que vous devriez dire à quelqu'un quelque chose. Et vous n'êtes pas capable en parole. Parce que la pensée et la parole, c'est deux choses totalement différentes. Parce que c'est pas un intermédiaire, la pensée, nécessaire. La pensée est-elle un intermédiaire nécessaire, soit tout le temps là, à travers le mental? La pensée est présentement l'intermédiaire nécessaire entre le mental, le supramental et les plans planétaires inférieurs. Elle ne restera pas chez l'homme tout le temps. La race humaine va finir par ne plus penser. Mais présentement, c'est un intermédiaire qui est absolument essentiel pour pouvoir permettre le reliement de l'astral au mental. L'homme a besoin de la pensée. Et l'homme a besoin de la pensée avec pour pouvoir se dissocier de, disons, de l'ignorance, pouvoir se dissocier de l'anonymat. L'homme avait besoin de s'identifier à l'homme. L'homme avait besoin de savoir qui il était. Pour ne plus être un anonyme sur la planète Terre, il n'aurait pas pu expérimenter. L'homme a expérimenté parce que l'homme pensait. Pensant, l'homme a désiré. Désirant, l'homme a fait des choses. Faisant ces choses, l'homme a découvert la loi de rétribution, la loi du karma. Donc, l'homme a appris plusieurs choses. Cette pensée était absolument essentielle pour permettre à l'homme d'explorer, d'expérimenter la planète. Cette pensée, c'est vraiment l'ombre très ternie de ce qu'est le savoir instantané. Ce n'est pas l'homme croit que c'est par la pensée que l'homme est extraordinaire. C'est par le travail que l'homme est extraordinaire. Le propre de l'homme, ce n'est pas de son intelligence, intellectuance, mais c'est sa volonté de travailler. C'est ça qui est construit. Ce n'est pas la pensée qui construit l'humanité, c'est le travail de l'homme. La pensée, par contre, a permis l'évolution des mécanismes astraux, l'évolution des guerres, l'évolution de plusieurs choses en genre, l'évolution de la technologie, et il a permis au mental d'apparaître. C'est l'ego. L'ego a une existence propre parce qu'il pense, parce qu'il y a la pensée pour ça. Et maintenant que les plans inférieurs planétaires doivent être instruits, ils ne peuvent l'être que par leur conscience. Et leur conscience étant la pensée, l'intermédiaire mental, l'intermédiaire ajusteur de pensée du supramental, va donc devoir communiquer par la pensée pour pouvoir instruire les plans inférieurs. C'est la même chose qui se passe lorsque l'homme fait une colère mentale et que l'homme parle de l'astral. Il parle de la pensée de l'astral, la pensée planétaire. Il incruste des mémoires et ces mémoires vont automatiquement être digérées et vont venir s'imbriquer quelque part dans l'astral. Et ça, c'est la pensée. Et parce que les mémoires vont venir perturber, l'astral va dire « Tiens, j'existe. » Comme l'homme. La même chose. Alors, cette pensée, elle est présentement essentielle, elle est nécessaire. Elle ne sera pas là tout le temps, elle aura toujours été nécessaire, et elle est nécessaire. Est-ce qu'elle va être là pour tous les âmes, ou ça va être là seulement pour certains âmes? La pensée est présentement là pour tout le monde. La question, c'est est-ce que la pensée va être là pour tous les hommes, ou seulement pour certains hommes? Je ne peux plus dire tout, excuse-moi. Elle est là pour tous les hommes présentement. Tous les hommes pensent. Maintenant, les hommes n'ont pas la possibilité de voir leur conscience psychologique colorée par l'énergie mentale. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas tous l'intelligence planétaire, terrestre, c'est-à-dire l'intellectuance. Mais tous les hommes ont une pensée. Et à un moment donné, les hommes ne penseront plus. Pensez-y. Quels sont les effets de la parole inutile, de la pensée inutile chez l'homme? La pensée inutile ne dérange rien chez l'homme. Vas-y donc, Pierre. Ça, je vais juste reposer la question. Quels sont les pensées, les effets des pensées inutiles chez l'homme? Et les effets des paroles inutiles. Des paroles inutiles. La pensée inutile chez l'homme n'existe pas. Ou, si vous préférez, la pensée est toujours inutile chez l'homme. Dans un certain stage. Alors, lorsque la pensée est utile, elle est toujours utile. Lorsque la pensée devient inutile, elle est complètement inutile. La parole inutile est une perte d'énergie. La parole utile est une accumulation d'énergie. Lorsque nous parlons, nous pouvons gaspiller de l'énergie, et lorsque nous parlons, nous pouvons accumuler de l'énergie. Jamais nous, hommes, nous sommes neutres. Alors, je parle et je m'énergise. Je parle et je m'épuise. En pensée, pas de problème. Oh, c'est sûr que le travail intellectuel, la lutte entre l'astral et le mental dans la pensée de l'homme, crée un épuisement d'énergie. Mais la pensée vagabondante de l'homme ne nuit absolument rien. Du moment qu'il n'y a pas de lutte entre l'intellect et le mental, la pensée n'épuise pas l'homme. S'il y a un travail mental avec un écœurement psychologique, il y a épuisement, évidemment, de l'énergie. Mais c'est très rare. On a ça chez les étudiants, on a ça chez certaines personnes. Mais normalement, disons que la pensée qui vagabonde, la pensée qui ressemble à un vieux singe, qui saute d'un arbre à l'autre, ça n'a aucune importance. C'est énergétique. Quand j'ai l'impression, par exemple, que dans ta tête, là, ça parle d'un côté, ça parle de l'autre, que tu peux tout arrêter ça pour moi, c'est des pensées, si tu veux, comme si c'était pas toi, mais si c'était... En gros, la question, c'est le combat des pensées à l'intérieur. Je pense que je devrais faire ça. À côté, je pense que tu devrais faire ça ou je devrais le faire d'une autre manière. Comment faire arrêter ce combat? Lorsque tu as, par exemple, une pensée qui s'estime avec une autre partie de toi-même, avec une autre pensée, puis ces choses-là, puis quand tu te demandes si on pense pour toi ou si c'est toi qui penses, et ces choses-là. Si on parle techniquement, comment régler ça? Assez facile. Très facile. Colère mentale va régler ça, mais on a un moyen encore plus facile, qui est très bon avec la personne pratique, enfin, du moins que la personne qui pose la question puisse pratiquer. C'est la démarche flottante mentale. Ça règle le problème. Sens immédiatement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque ces choses-là se passent? C'est qu'il y a effectivement des manipulations chez toi, il y a une lutte chez toi, il y a des énergies astrales qui s'expriment dans la conscience de l'homme, donc dans la pensée de l'homme. Et cela s'exprime, cela se promène, cela vagabonde, et si toi, psychologiquement, tu veux reprendre dessus, il va y avoir une lutte, il peut y avoir perte d'énergie. Démarche flottante mentale, c'est régi par le mental. Il n'y aura pas de perte d'énergie parce que tu diminues immédiatement la vitesse d'écoulement du flot de pensée. Et tu ne t'attaques pas à la pensée. Tu laisses la pensée être ce qu'elle est, tu ne fais que la ralentir. Et le temps est important pour l'astral. À un moment donné, ça va décrocher. Ils vont devoir aller penser ailleurs parce que c'est trop long chez vous. Alors donc, tu ne t'attaques pas à la pensée. Ça, c'est un contrôle qui n'est pas correct. Ou tu observes, ça disparaît. Si tu ne peux pas observer, tu fais cette technique de démarche flottante mentale qui va t'amener à pouvoir observer, qui va t'amener à être de plus en plus proche du moment instantané. Et à un moment donné, ben, de toute façon, tu vas décrocher. Tu auras la paix. Ta démarche mentale flottante, en fin de compte, c'est pas le mental qui fait la démarche. Le mental régit la pensée et la pensée se trouve à être en état de démarche flottante mentale. Mais quand on dit démarche flottante mentale, nous pourrions dire démarche flottante de pensée, démarche flottante astrale, mais étant donné que c'est le mental qui régit ce mécanisme de la pensée, le terme est peut-être plus juste, disons qu'il s'adapte plus, c'est facile de comprendre le terme, par démarche flottante mentale. Mais l'énergie mentale, dans la réalité des faits, ne peut pas subir une démarche flottante. Il n'y a que le flot de pensée qui puisse en subir. Le mental ne peut pas être ralenti, le mental peut être coloré. Le mental n'est pas coloré, mais l'expression du mental peut être colorée. Le mental ne peut pas être ralenti, l'expression du mental peut être ralentie. Et lorsque nous pratiquons la démarche flottante mentale, c'est le mental qui ralentit la conscience psychologique. C'est que, on va essayer de transformer un peu la question. Le fait, on sait que la parole a une forme et chaque forme attire son énergie. La pensée, elle, a-t-elle la possibilité de même fonction qui fait que lorsque j'ai des pensées vagabondes, ces pensées-là viennent de où? C'est-tu quelqu'un qui a pensé ça avant? Ou qui a parlé, et tout d'un coup, moi, je reçois ça et je me demande ce que je fais avec. Premièrement, lorsque lorsque la personne pense, c'est un mixage de ses propres colorations. Et plus la personne va penser, plus elle va expérimenter, son ego va expérimenter ses mécanismes, ce qui fait que la personne peut arriver à se convaincre elle-même par la pensée. La pensée, elle est tributaire, premièrement, de l'ego et de l'expérience immédiate propre à l'ego. Elle est tributaire, ensuite, de l'expérience qui est en relation, en résonance avec l'expérience immédiate de l'ego. Donc, elle ne peut pas être trop colorée par l'extérieur. Elle va être colorée selon l'intérieur, selon l'expérience de l'ego, selon le vécu de l'ego. Maintenant, plus la personne va penser, plus elle va être capable de laisser s'immiscer dans sa conscience des manipulations de l'extérieur et qu'elle va prendre comme étant d'elle-même, ce qui fait qu'elle va les accréditer. Parce que l'orgueil fait que ce qui vient de toi est bon. Et si ça ne vient pas de toi et que tu crois que ça vient de toi, ça reste bon, ça vient de toi, selon toi. Et lorsque la personne pense, elle énergise, elle s'énergise, elle se réénergise, et elle peut créer des concepts, elle peut s'attacher à ces concepts, et elle les a créés d'elle-même dans sa conscience, mais elle a été aidée par l'extérieur. Cette conscience, ce qui se passe dans la pensée, a une légère tendance à colorer l'extérieur, très peu. C'est ce qui est dit qui colore l'extérieur. Et ce qui est dit vient aussi renforcer la confiance que l'ego a de ce qu'il entend, parce qu'il croit encore que c'est lui qui parle. Alors, lorsqu'il parle, soit que c'est l'astral individuel, l'astral collectif, soit l'énergie mentale ou supramentale. De toute manière, ce qui est dit réénergise l'ego. Si c'est mental ou supramental, cela va aider la personne à monter dans son niveau mental. Si c'est spirituel, cela va convaincre la personne, et c'est pourquoi on va convaincre, pour s'entendre parler, pour pouvoir se redire les choses, se convaincre nous. Si tu ne fais que penser en bien ou en mal, tu vas réénergiser ce mécanisme et tu vas lentement instruire l'astral, mais très peu. Par contre, plus tu penses dedans ta tête, plus tu es assujetti à être manipulé, à être dévié par l'énergie astrale extérieure. Et lorsque tu parles, c'est les mêmes mécanismes qui vont être en jeu, sauf que ta parole a beaucoup plus de puissance dans l'astral, comme elle en a plus sur toi. Je dis que la pensée ne crée rien, mais c'est quoi le mécanisme qui fait que quelqu'un, mettons, pense qu'il serait malade et qu'il va être malade? Ça peut créer chez lui des choses. Est-ce que c'est très, très faible par rapport à la parole, ça? La question posée, c'est... Le fait qu'une personne pense à l'intérieur qu'elle va se sentir mal, elle va être malade et qu'elle tombe malade, le jeu serait-tu plus rapide ou plus efficace si elle se parlerait? Non, la personne n'est pas malade parce qu'elle pense être malade. La personne pense être malade parce qu'elle perçoit chez elle des énergies psychologiques inharmonieuses qui ne sont pas reliées au niveau de sa pensée parce qu'elle ne connaît pas les mécanismes qui la rendent malade. Et parce qu'elle perçoit ces mécanismes qui ont une tendance à vouloir, par l'intermédiaire du système endocrinien, ont tendance à vouloir s'exprimer dans le corps pour le rendre malade, elle le perçoit et elle va aussi avoir déjà une agression dans sa conscience et elle sera déjà malade dans sa conscience. La pensée même sera malade. Mais la personne ne se dira pas « Ah, ben je vais avoir un pied qui va enfler » ou « Je vais avoir une jambe qui va enfler » ou « Je vais avoir un appendicite ». Elle ne pense pas être malade, sauf qu'elle exprime dans sa conscience déjà la maladie qui va apparaître dans le corps physique. Et ça, c'est un mécanisme qui n'est pas conscient chez l'homme, c'est un mécanisme psychologique qui est régi par les différents niveaux d'énergie astrale chez elle, les luttes, les conflits qu'il va y avoir à travers les personnalités pluralitaires et incarnatives, à travers l'éducation, à travers un concept par rapport à un autre, à travers plusieurs choses, à travers la lutte qu'elle va opposer à la résistance qu'elle va mettre à accepter la réalité comme elle est, ce qu'on appelle le stress quotidien. Et ces choses-là vont miner la conscience comme elles minent l'astral. Et la partie de l'astral qui s'exprime dans la conscience, la pensée, va être minée aussi. La personne ne pensera pas aussi clairement, la personne peut être dépressive dans sa pensée, la personne peut ne rien vouloir faire, et lentement, il va y avoir, dans la pensée, il va y avoir une expression plus rapide, mais c'est normal. C'est la conscience de l'astral. Le corps physique, lentement, parce qu'il est assujetti au système vital par l'intermédiaire du système endocrinien, et que le système vital est assujetti au système astral par l'intermédiaire des carrefours d'énergie, va être malade. Mais la personne ne pense pas être malade autant que la personne ne pense pas être guérie. Lorsque la personne pense être guérie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ceci. elle énergise sa conscience dans un nouvel état. Et si cet état-là finit par être accepté par le reste de l'astral, il y aura guérison. Mais la pensée n'aura rien fait. C'est l'astral qui accepte ou non le reste de la personne, ce que l'homme appelle l'inconscient, qui est de la pensée non consciente. Et c'est cette pensée non consciente, tout ce qui est pensé dans l'homme sans que la conscience immédiate puisse l'observer, parce que la conscience astrale visible, c'est la pensée, mais la conscience astrale globale, c'est l'astral. C'est l'inconscient, le subconscient, le surconscient, le sous-conscient, c'est tout ce qui est rapport à l'astral, à la psychologie de l'homme. Maintenant, l'homme n'envisage sa vie réelle, l'homme n'expérimente surtout que par sa conscience consciente. Et cette pensée ne crée pas de guérison, elle ne crée pas de maladie. La lutte entre la pensée et le reste va créer différentes choses qui peuvent être une guérison, comme ça peut être une maladie. Autrement dit, la pensée que tu as d'être malade ou de guérir, c'est juste une expression de l'énergie. C'est ça. Tu penses que tu te sens mal, tu te sens, tu déprimes, tu sens différentes choses. Cela peut être parce qu'il manque des minéraux dans ton corps, cela peut être parce qu'il manque certaines choses. Cela va faire que le système endocrinien ne pourra pas agir aussi bien, n'agissant pas aussi bien, il devient une mauvaise voie d'expression à la psychologie. Étant une mauvaise voie d'expression à la psychologie, la frustration psychologique, frustration astrale, cela va créer donc des dégénérescences dans la pensée, parce qu'il y aura une expression dans la pensée au lieu d'être exprimée par la voie normale. Et la personne peut être dépressive, la personne peut être lunatique, la personne peut être schizophrène, la personne peut être paranoïaque, la personne peut avoir différentes névroses, psychoses, simplement parce que le système physique a un problème, il ne sert plus l'expression de l'astral. Alors, on va donner certains médicaments à une personne et certains minéraux à une personne, et là, tout revient normal. Pourquoi? Parce que là, les formes d'expression conventionnelle de la psychologie redeviennent efficaces et l'expression se fait par là. Ce qui n'est pas plus intelligent, ce qui rend la personne en santé psychologique, en santé, disons, de pensée, en santé, on dit mentale, mais ce n'est pas mental. Et par contre, à un moment donné, il y a usure du corps physique parce que l'énergie s'exprime toujours par là. Alors, la personne ne pense pas être malade, la personne ne pense pas être en santé, elle ne peut pas penser ça. Elle découvre tout d'un coup qu'elle se sent mal. Et ça peut, on dit que ça se répercute. Ça ne se répercute pas, c'est pas la pensée qui se répercute. C'est qu'il y a un mécanisme qui commence à se passer, il apparaît en premier dans la pensée, et lentement, il va travailler les autres corps pour se répercuter là. Si dans la pensée, ça disparaît, cela peut engendrer une disparition où il y a la désharmonie, mais plus souvent qu'autrement, ça disparaît dans la pensée parce que c'est disparu dedans où il y avait la désharmonie, donc il n'y a pas de maladie dans le corps. Et les maladies corporelles, si elles sont créées par la psychologie, elles peuvent être guéries par le physique, par le vital et par la psychologie. Le mental peut tout guérir ça. Jusqu'à quel point le principe de ce qu'on appelle la pensée positive ou créer en soi des vibrations positives de santé ou de bonheur peuvent être influencées, peuvent vraiment fonctionner au niveau du corps physique? Jusqu'à quel point la technique de pensée positive, okay, peut affecter le côté matériel? La pensée positive, je dis souvent que c'était la même maladie que la pensée négative. C'est vrai, au lieu de voir la réalité comme elle est, on la voit négativement. Et tout d'un coup, on change. Au lieu de la voir comme elle est, on la voit positivement. Mais c'est le même genre de maladie, c'est le même genre de processus de refus de voir la réalité. La pensée positive, elle va créer une énergie chez la personne, mais la personne doit aussi parler pour qu'elle soit efficace. Ce qui fait que dans la pensée positive, on va dire à la personne « Bonjour, comment ça va? » et la personne répond de mieux en mieux. Elle doit prononcer des choses. Ce sont des invocations quand même. Et ces choses-là vont simplement énergiser un tantinet très peu les mécanismes de pensée. Cela peut nourrir un peu, donc réharmoniser, réorganiser un peu la dissonance astrale. Mais la majorité de ceux qui ont une pensée positive ne changent rien, ne guérissent rien, mais stoppent leur minage psychologique. Mais la pensée positive, c'est quelque chose qui permet l'entretien de la pensée psychologique de l'homme pendant que le mental, pendant que le corps, pendant que le vital, pendant que l'astral s'occupe de leurs oignons. Alors donc, la pensée positive ne fait que de permettre à l'homme, c'est comme si on disait, tout va mal, t'es dans le trou par-dessus la tête, imagine-toi que t'es plus dedans. T'es en train de sortir, mais tu le vois pas. Alors, imagine-toi que t'es plus dedans. Ça va te permettre de vivre jusqu'à temps que tu sois plus dedans. Alors, si tu restes dans le trou encore 15 ans, ta pensée positive va pouvoir te faire vivre 15 ans de temps. Mais des fois, la pensée positive, elle fait d'autres choses. Elle empêche l'homme d'agir pour changer quelque chose. Ça va aller mieux. Ça ira pas mieux. Lève-toi debout, serre ta ceinture, sors ta hache, coupe ton bois, mets-le dans ton poêle à bois pour te chauffer. Mais pense pas que la température va s'améliorer. Ça va s'améliorer, l'été s'en vient. Ça va être mieux, ça va être plus chaud. Si tu as le temps que tu voudras, ça n'a aucun rapport avec la réalité qui se fout royalement de ta pensée positive. Alors, la pensée positive, elle est un remède, une béquille pour l'homme qui est presque dans un état d'exclusion d'énergie mentale. Il pourra acquérir le mental. C'est le positivisme, ce n'est pas un baume pour ceux qui n'auront jamais de mental. C'est pour ceux qui n'ont pas présentement l'énergie du mental. Donc, ils peuvent croire que ça va aller mieux. Mais à un moment donné, il faut que tu t'organises pour que ça aille mieux. Pensez positif, poubelle. J'ai besoin. Ça va comme que c'est. J'ai pas besoin de me motiver à me faire croire que ça va mieux que je pense que ça va. Ça va comme ça. C'est correct? Non? Parfait. Améliorons. Pas ça va s'améliorer. Améliorons. C'est la meilleure chose et ça, c'est l'apanage de l'homme nouveau. Ce n'est pas la pensée positive. La pensée positive, je le répète, c'est pour l'homme du poisson qui n'avait pas l'intelligence de comprendre qu'une chose était ce qu'elle était. Et qui avait l'aberration de comprendre qu'une chose était bien pire qu'elle était. Supposons que je suis une personne qui vit certains problèmes physiques spécifiques. Prenons par exemple une certaine obésité ou une certaine maigreur. Si je veux changer la chose, est-ce que par la pensée, est-ce que par le mental ou la pensée, donc par exemple me voir dans une certaine situation physique améliorée peut amener la chose à être comme ça? Sans passer par un mental, par une colère mentale. Est-ce que la colère mentale peut en fait compte remplacer l'écran mental qui désire une amélioration du physique? La colère mentale, peut-elle remplacer l'écran mental, tu parles de l'intellect? Qui désire une amélioration. Bon, est-ce que la colère mentale peut remplacer le positivisme? Dans le but d'obtenir quelque chose dans le plan physique, dans le plan médical, dans le plan... La colère mentale... Parce que tu désires avoir quelque chose, c'est parce que tu n'en as pas vu l'intelligence. Parce que si on a vu l'intelligence, on ne désire pas l'avoir, on s'organise pour l'avoir. C'est bien différent parce que la majorité des désirs de l'homme, l'homme ne s'embarque pas à les réaliser parce qu'il ne croit pas à leur réalisation. Lorsque l'homme voit qu'une chose est intelligente, la réalisation n'a plus d'importance. C'est intelligent, je le fais. Vais-je mourir avant de l'avoir fini? Ça n'a aucune importance. Parce que l'homme sait par son intelligence qu'il ne connaît pas le temps, il ne connaît pas l'avenir. Lorsqu'il sera prescient, un peu plus prescient, il sera. Puis il y aura peut-être des choses à achever. Et si cela n'est pas achevable, il verra quand ça va être achevé, pour qu'il commence. Le positivisme peut permettre à une personne qui est, par exemple, obèse de maigrir. C'est-à-dire que ça peut permettre à la personne de créer un réflexe psychologique qui va dire à la personne, lorsqu'elle vient pour manger, « Mange pas. » Et elle va se sentir coupable de manger. À cause de l'énergie de culpabilité qu'elle ne veut pas vivre, que c'est très souffrant pour l'ego, elle ne mangera pas. Le positivisme peut faire ce genre de choses. Mais le positivisme n'ira pas faire maigrir une personne, c'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle répète ses mots en maudit, ça veut brûler des calories. Le positivisme ne peut qu'engendrer un réflexe psychologique qui va souvent amener la culpabilité chez la personne. Pas toujours. Rarement le positivisme va engendrer un réflexe mental, très rarement. Disons que si on serait 10 milliards sur la planète, 1 sur 10 milliards qui est positif, pourrait engendrer un réflexe mental. Normalement, c'est un réflexe psychologique qui va réfréner ce que tu veux faire. Te disant, mais non, je suis capable, là, puis c'est pas correct, là, parce que tu risques de te sentir coupable si tu le fais. Alors, la majorité de ceux qui vont dans le positivisme, quand ils manquent le coup, ils tombent dans le négativisme en maudit. Parce que c'est un mécanisme qui n'a pas d'efficience réelle. Le mental en a une, la personne règle son problème. Tu es obèse, maigris. Dis-toi pas que tu vas être capable, c'est évident que tu vas être capable. Faut pas que tu te dises que tu vas être capable, faut que tu vois que tu es capable, faut que tu comprennes que tu es capable, faut que tu vois ce que tu es. Sinon, tu te motives tout le temps. La journée que t'as pas, qui te manque un minéraux ou deux, ben tu te motives plus, tu es plus capable. Tu es dépressif. Et lorsque tu vois intelligemment ce que tu es, minéraux pas minéraux, dépression pas dépression, tu te vois pareil. Tu peux pas être dépressif quand tu es mental. Alors donc, le positivisme, c'est un bombe, une béquille qui remplace l'intelligence, qui remplace la vision réelle, qui est un peu mieux que le négativisme, mais ce n'est pas une solution. Je n'enseigne pas le positivisme, je ne l'enseignerai jamais. L'homme doit comprendre ce qu'il fait. Il va souffrir peut-être un peu plus avant de comprendre, ça n'a aucune importance, mais le positivisme, pas fort. Donc le mental, c'est le seul qui peut régler tous les problèmes. Le mental, c'est le seul qui va empêcher les problèmes d'apparaître. Les problèmes, ils vont se régler d'eux-mêmes. Tu coupes la source. C'est ça. Il n'y a plus de problème. Mais en fait, vu qu'il n'y a pas de polarité dans le mental, un problème n'existe pas. Il y a juste une situation à régler. Étant donné qu'il n'y a pas de polarité dans le mental, il n'existe qu'une situation à régler. C'est ce que tu viens de dire, et c'est approximativement vrai, oui, c'est ça. C'est même très proche. Chose qui est sûre, c'est que dans le mental, il n'y a pas de polarité, donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien d'autre qu'un fait, un événement, et toi, tu dois t'arranger pour être efficace dans l'événement, synonyme pour économiser le plus possible d'énergie dans l'événement et pour acheter le plus possible d'énergie dans l'événement. Autrement dit, tu profites de l'événement pour augmenter ton quota d'énergie. Et ça, l'homme ne le fait pas. Le fait d'être paresseux n'augmente pas ton quota d'énergie. Le mouvement va augmenter ton quota d'énergie. Un mouvement intelligent, bien dosé. Donc, ce n'est pas l'inaction et ce n'est pas l'action. C'est entre les deux. Et ça, c'est l'efficacité, et ça, c'est le mental qui va le permettre. Qu'arrive-t-il aux personnes qui sont privées de la parole? Les personnes qui sont privées de la parole, donc les personnes qui sont muettes, ont évidemment un gros handicap. Maintenant, ces personnes-là ne sont pas privées d'évolution parce qu'elles ont et elles auront toujours la possibilité d'émettre des vibrations par la bouche, par la gorge. Une personne muette ne peut pas articuler. L'articulation, c'est la parole. Mais l'énergie sous la parole va continuer à être émise. Et si la personne est capable de penser en même temps que gutturalement parlant, elle émet des sons, elle émet la même chose. Elle aura besoin d'un peu plus de pratique, elle aura besoin de plus d'ajustement. Ça ne changera rien. Elle fonctionne par qui aille, elle fonctionne par cri, elle fonctionne par son. Ce ne sont pas des prononciations, mais elle peut faire du bruit. Et ce bruit ajusté à la valeur d'énergie d'une transmission mentale, d'une transmission colérique mentale, de n'importe quel genre de transmission, plus la pensée qui va avec, crée le même résultat. Sauf qu'elle ne pourra pas s'adresser à l'homme qui comprend avec un langage. Mais elle pourra s'adresser aux forces de l'astral, qui comprend tous les langages. Elle pourra s'adresser à peu près à tout, sauf peut-être à l'homme. Et encore, un jour, si elle pratique suffisamment, elle pourra même faire comprendre ce qu'elle veut à l'homme par des sons. Elle n'a pas les cordes vocales, elle ne peut pas prononcer, mais elle peut faire du bruit. Et ce bruit, ajusté vibratoirement, crée la même chose qu'un langage. C'est un langage. Pas pour l'homme qui a la parole, ce moyen pas bon. Ce moyen va être bon, c'est-à-dire que la personne qui est muette va se servir de son, de cri. Maintenant, elle doit mettre la même énergie. La personne qui a la parole ne peut pas faire les sons et les cris. Pourquoi? Parce que sa psychologie, elle va pouvoir le faire. Elle va découvrir ce nouveau langage, qui est une forme de kiaï plus avancée, lorsque elle aura découvert l'énergie qui doit être transmise par la parole. après, elle n'aura plus besoin de parole, elle aura besoin d'énergie, donc de kiaï, de cri. Elle aura besoin quand même d'émettre la vibration. Sauf que c'est beaucoup plus long de découvrir cette énergie sans parole qu'avec la parole. Donc, pour l'instant, travaillons avec la parole. Sinon, vous allez prendre plus de temps. Lorsqu'une pensée surgit et te frappe comme un fouet en t'informant qu'un tel événement va se produire et que ça se produit, quelle sorte de pensée est-ce? C'est simplement un mécanisme qui te permet d'être relié à l'astral. J'ai expliqué souvent ce genre de mécanisme qui fait que dans l'astral, quelque chose se passe. Moi, je pense à m'en aller en auto, donc dans l'astral, c'est inscrit. Une personne, je pense aller voir mon frère, dans l'astral, c'est inscrit. Mon frère, il est chez lui, et à un moment donné, il a la pensée, donc il est relié à l'astral, où il voit, il sait que je vais venir le voir. Il n'a pas prédit l'avenir, il a prédit le passé. Et à un moment donné, moi, je me lève, je prends mon auto, je m'en vais chez lui, et il le savait. Alors, soit que la personne, elle est en résonance vibratoire avec certains événements par mécanisme réflexe psychologique qui, il y a des raisons, la personne, elle a une raison psychologique de savoir, de connaître ces événements d'avance. Cela peut être parce qu'elle veut se traumatiser, cela peut être parce qu'elle a besoin, il y a quelque chose. Elle a besoin de connaître ces événements-là d'avance. Et c'est un besoin psychologique, pas un besoin intelligent. Ça peut être utile, mais elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est pas un besoin intelligent, c'est un besoin qui est psychologique. Et cette personne est donc en relation avec l'astral, et l'astral peut se complaire pendant un laps de temps à lui donner des prémonitions pour, par exemple, l'instruire que ce qu'elle pense, cela va arriver. Jusqu'au jour où on va lui faire penser quelque chose, elle va agir en fonction de ça, et ça n'arrivera pas, et on va l'embarquer. Embarquer dans quelque chose de très... De pas mal moins bon. La personne ne prévoit pas l'avenir, elle n'a pas la préscience. La préscience, c'est d'être conséquentiel, d'être capable d'analyser logiquement les futurs possibles. Et c'est d'être capable de savoir avant de l'expérimenter, évidemment. Donc, c'est une préscience, pré-savoir. Et ce n'est pas relié à l'astral. Et c'est important. Et les personnes qui n'ont pas un degré d'énergie mentale, les personnes qui ne sont pas capables, par la parole, de transmettre l'énergie supramentale, ne sont pas préscients. Donc, ils sont prévoyants. C'est de la prévoyance, de la prédiction. Ils sont voyants. Ils voient au-delà de ce que l'homme voit. C'est-à-dire qu'ils voient dans un plan parallèle, dans le plan de l'astral, et jusqu'à date, une personne peut voir que des choses qui ont un pourcentage d'actualisation très élevé. Par contre, d'autres personnes vont voir continuellement des choses dans l'avenir, des choses qui ont un pourcentage d'actualisation réduit à zéro, donc des choses qui n'arriveront à peu près jamais. Une autre personne va voir des choses qui ont un gros potentiel d'être actualisées, de devenir réalité. Mais elle ne prévoit jamais l'avenir, ce sont des pensées qui sont tributaires de l'astral, et il y a une affinité, soit qu'elle ouvre des portes parce qu'elle en a besoin pour une raison inconsciente ou consciente, soit que l'astral vient lui donner de l'information pour l'éduquer à truster l'astral jusqu'à temps que... Elle soit éduquée, elle ne peut y croire. Est-ce que la déduction est psychologique ou est-ce qu'elle est mentale, totalement? La déduction que nous autres, on peut faire sur certaines choses qui nous arrivent. La déduction qu'on fait sur les événements de notre vie peut-elle être mentale ou c'est les psychologiques? Une déduction est normalement mentale. Sauf que lorsque le mental est coloré par l'astral, la déduction devient intellectuelle, et la déduction intellectuelle peut être suffisamment colorée pour devenir une déduction psychologique. Et le discernement entre les deux, l'esprit de rectitude que l'homme doit développer, ce qu'on a parlé un peu lors du séminaire, doit permettre à l'homme de corriger les colorations, d'éliminer les colorations dans le mental de l'astral pour redonner au mental sa pureté. Donc, une personne peut prendre une décision à partir de différents mécanismes qui sont soit mental, soit coloré, donc intellectuel, soit astral. C'est surtout l'esprit de rectitude qu'on va développer en PMC5, surtout qui va permettre à l'homme de réellement être capable de discerner. C'est l'esprit de discernement et de correction de ce qui a été discerné. Et ça, c'est moi aussi le plus important. Peux-tu comparer le travail qui se fait sur l'astral par rapport à la colère mentale et à la démarche flottante mentale? La démarche flottante mentale est un mécanisme qui permet à une personne qui n'a pas l'énergie dosée suffisamment mentale pour pouvoir agir immédiatement. Par exemple, vous êtes manipulé par n'importe quoi, vous n'arrivez pas parce que vous n'avez pas l'énergie de l'autorité nécessaire pour pouvoir faire une colère mentale. Vous avez suffisamment l'autorité ou l'énergie nécessaire pour faire cette démarche flottante mentale. Ce qui va automatiquement déconnecter ce qui se passe chez vous. Mais vous restez collé, entouré du nuage, vous n'avez pas rien éclairé, mais vous êtes le seul maître à bord quand même. Alors, c'est une technique qui est extrêmement salutaire. Certains ici ne savent pas de quoi on parle parce que, disons qu'on le voit dans le PMC4, mais de toute façon, on va finir par y arriver. Si on en parle trop avant, ce n'est pas bon, parce que certains vont le pratiquer avant d'être prêts. Mais la démarche flottante permet donc de dégager la manipulation immédiate de l'astral, de se rapprocher du moment présent, de l'état d'être, de l'âme, du monde, de l'état mental, sans avoir besoin de l'énergie de la colère mentale. Par contre, la démarche flottante peut générer suffisamment d'énergie pour que la personne puisse faire une colère mentale après, lorsqu'elle est assujettie à être manipulée. Tu t'ennuies? Ennuie-toi en démarche flottante, tu n'ennuieras pas longtemps. Tu as peur? Aie peur en démarche flottante, tu n'auras pas peur longtemps. Et par après, lorsque tu es suffisamment énergisé, que tout est carrément décollé, tu peux commencer une colère mentale, bien évidemment, ça va bien. Vous parlez de la démarche flottante, mettons comme tu dis, si j'ai peur, est-ce qu'on répète à ce moment-là le même mécanisme qu'il y a... Non, tu n'as qu'à penser, fais juste penser. Tu peux même simplement intellectualiser sur ta peur. Tiens, j'ai peur à cause de telle affaire. Ça n'a aucune importance. Pense. Pense, ma démarche flottante. Tu as tout bousillé. Puis là, vous observez, à ce moment-là, c'est passé. L'observer, c'est très bon si tu es capable d'arriver dans un état d'observation réel. La démarche flottante va t'amener dans l'état d'observation. Alors, quelqu'un qui peut directement passer à l'observation, évidemment, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui peut directement passer à la colère mentale, il n'y a aucun problème. Puis quelqu'un qui est mental, il n'y a pas de problème. La démarche flottante intellectualise pour sa femme, est-ce que tu fais de façon tellement plus large et elle est tranquillement que ça donne plus de... Tu comprendras au moment donné. Ça, il n'y a pas de problème. Quand ça sera le temps. Est-ce que la colère mentale, Daniel, crée comme un genre d'ajustement physique ou de transformation au sujet de la gorge ou de la larynge, ce qui fait que tu as plus d'autorité, plus de ton dans ta parole? Est-ce que la colère mentale va modifier ce côté physique, côté larynx, corde vocale, la possibilité de donner plus de pouvoir, qu'est-ce que tu dis? La colère mentale augmente le degré d'énergie mentale chez l'homme. L'énergie mentale étant augmentée, l'homme prend possession de son corps. Les premières choses qui doivent être contrôlées vont être la parole. L'homme doit arriver à pouvoir contrôler sa parole, à pouvoir avoir différentes paroles pour exprimer différentes formes d'énergie, pour avoir différents résultats à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, la colère mentale va effectivement développer par le mental, par le biais du mental qui va contrôler le larynx, développer, disons, on peut dire biologiquement, d'une façon nouvelle, le larynx, les cordes vocales et tout ce mécanisme. En réalité, c'est un nouveau contrôle qui va simplement s'installer au niveau des cordes vocales. Donc, la voix change, la parole change, l'énergie transmise change, l'autorité commence à apparaître. La voix, le son qui sort, peut-il servir, disons, si ton appareil, ton larynx a commencé, tes cordes vocales ont changé, peut-il servir, disons, va contrôler, disons, le mot qui va être utilisé, va contrôler, va agir, va faire agir sur une personne, qu'est-ce qui doit agir? Sûrement, si tu utilises le mot arrête, tu l'utilises avec... Voilà, lorsque tu dis à une personne arrête, une personne, disons, qui a une hache qui te court après, tu lui dis arrête. Si tu emploies le mot dans sa langue, le mot est une clé qui va permettre à sa psychologie d'écouter, de comprendre, d'envisager ce qui se passe, de pouvoir dire « j'arrête pas », consciemment ou inconsciemment. Ce mot « arrête » est la clé qui permet à toute ton énergie de pénétrer l'autre. Maintenant, si le mot est prononcé avec une vitesse particulière, une intonation particulière, une énergie particulière, tout cette énergie pénètre en même temps que la clé dans la personne et peut venir modifier complètement le processus psychologique de son mouvement. Alors, tu vas dire « arrête » et qu'elle le veuille ou non, elle sera stoppée net et ne pourra pas continuer. Parce que ce n'est plus sa conscience individuelle, la conscience astrale, qui va maintenant être exprimée chez elle, ça va être ton énergie. La tienne doit être suffisamment puissante, par contre, pour opérer cette chose chez la personne. On commence par le kiai qui va opérer différentes choses. Par là, tu peux transporter ta pensée, ce que tu veux qu'il se passe, chez quelqu'un. Mais à un moment donné, ce ne sera plus un kiai parce que PMC avançant, tu vas apprendre à contrôler ta parole et tu vas être capable, par le mot, sans qu'il aille, d'aller faire à quelqu'un exactement ce que tu veux qu'il fasse et il ne pourra pas faire d'autre chose. Et ça, c'est une manipulation qui n'est pas hypnotique, qui n'est pas quoi que ce soit. Et par contre, tu dois connaître la langue dans laquelle la personne pense. Pense. Et non pas parle. Alors moi, si je parle espagnol, je pense en français. Et pour que la clé rentre bien, tu dois connaître la langue dans laquelle la personne pense. Et ça, disons que tu me poses une question quand même assez avancée. On va voir ça plus tard. C'est quelque chose qui doit être compris parce que cela fait partie des arts martiaux. Cela fait partie de l'Ukikaido. C'est enseigné dans les PMC parce que le PMC 3, on commence déjà à toucher un peu l'Ukikaido. Mais c'est un art de défense. La colère mentale, si on veut faire des colères mentales le plus possible au début pour se libérer, est-ce qu'on peut le dire par un mot, par exemple, pour dire tout à l'heure ce qu'on a écrit? Pour la colère mentale, lorsqu'on pratique au début, c'est bon de pouvoir transformer ça en un mot au lieu de répéter tout le texte. La colère mentale doit être prononcée dans plusieurs mots et chaque mot doit avoir doit avoir été étudié en fonction d'un résultat que l'on veut avoir. Ensuite, une fois qu'il a été étudié, il doit être prononcé avec la vibration qui va supporter ce que nous voulons avoir comme résultat. Donc, dire un mot, c'est trop associé à la psychologie qui tient à faire ça vite, qui tient à purifier, à tout casser vite, mais il n'y a pas d'intelligence seulement dans un mot. Lorsque la personne finit par être agréée dans le mental, agréée par l'astral, parce que la personne est mentale, elle n'a même plus besoin de prononcer de mots. Donc là, un mot est suffisant. Mais pour l'instant, avant longtemps d'ailleurs, c'est plusieurs mots. Les textes, vous devrez les changer, vous devez en recomposer d'autres et analyser mot après mot l'importance du mot, l'importance de la vibration du mot, prononcez-les un par un et étudiez l'effet que ça fait sur vous. Et à un moment donné, vous allez avoir exactement ce qu'il faut pour faire quelque chose. Autrement dit, au début, les textes des colères mentales devraient être longs. Plus ils sont longs dans le début, plus ils permettent à la personne d'arriver à cette phase de colère. On a vu au séminaire que la personne, elle partait, elle n'était pas en colère du tout, et là, elle accélérait, d'un coup, elle tombait en plein en colère, puis le texte finissait, fait qu'elle arrêtait. Donc, elle n'avait pas goûté à la colère psychologique, et son texte était trop court pour que de la colère psychologique, elle prenne conscience que dans la colère psychologique, tout en continuant à crier, et qu'elle commence à monter ça, en colère mentale, qu'elle commence à savoir ce qu'elle fait, elle va... Tu commences, tu parles, tu commences, tu montes, tu commences à crier, tu commences à y aller, d'un coup tu y vas trop vite, tu y vas en charabia, tu es en beau maudit. Tout d'un coup, tu découvres que tu es en maudit, tu continues, tu ralentis, tu vois ce que tu fais, tu rends compte que tu gardes la même énergie de colère, mais tu contrôles ta colère. C'est la colère mentale. Et c'est pourquoi que la personne doit commencer à pratiquer la colère, même si c'est psychologique, pas la pratiquer, c'est une autre. Mais elle pratique, elle arrive à crier, elle gueule, puis à un moment donné, elle doit prendre conscience qu'elle est en colère, mais continuer à garder l'énergie de la colère. Pas arrêter. Continuer à garder l'énergie de la colère, elle va la garder et elle va commencer à ralentir son flot, mais en gardant autant d'écœurement dans ses mots, dans la prononciation. dans la haine presque qu'elle aurait de l'astral, qu'elle aurait de ce qu'elle parle. À un moment donné, la haine va disparaître, mais va rester une énergie d'autorité. Une énergie où elle va dire « je suis en colère », mais elle va être capable de ralentir son flot, de mettre plus de poids sur un mot, d'étirer, de mettre un espace, de mettre un silence, de continuer, et elle va garder l'énergie de colère tout en sachant qu'elle n'est plus en colère. Et elle va arrêter quand elle va vouloir, et elle finit avec ce qu'elle doit finir. Et là, la personne, elle l'a fait. Mais si le texte est trop court, il n'y arrivera pas. Et lorsqu'elle a connu la colère mentale, le texte peut se rétrécir, c'est plus facile de monter en colère mentale jusqu'à temps qu'instantanément tu te places au niveau de colère mentale. Dans le... Je posais un phénomène, vous expliquez que le mental est supposé d'être une chose qui vient à soi et non quelque chose à laquelle on va. On ne peut pas se pratiquer à vivre un niveau d'énergie qui ne nous appartient pas, si il ne nous appartient pas. Pas une chose qu'on peut apprendre par des cours. Faudrait que tu rephrases un peu ton... Le mental, ça descend. Ça monte pas. C'est pas une chose qu'on apprend à l'école comme ABC. Pour moi, apprendre une colère mentale, c'est comme apprendre à l'école ABC. On peut dire... Alors, la question, c'est simple. C'est que l'énergie mentale, c'est quelque chose qui vient à l'homme et l'homme ne peut pas la cultiver chez lui s'il n'en a pas. Donc, la colère mentale, selon lui, c'est un peu comme apprendre une technique, comme abaisser à l'école. Et il se demande si la technique de la colère mentale, s'il y a des techniques pour développer le mental. L'air que l'on respire est dehors. Il vient à l'homme. Par contre, l'homme peut apprendre à respirer. Et plus d'air va venir à l'homme. Et l'homme peut apprendre à respirer encore mieux, et l'air qui va venir à l'homme va lui apporter encore plus de choses. Mais l'air n'est pas l'homme. La technique, elle permet, surtout que la majorité des techniques que nous abordons au niveau PMC et la technique de la colère mentale, ce sont des techniques qui ne pourront être vécues que par une personne qui a du mental. Et plus elle va renforcer, plus elle va se servir de son mental, plus elle va attirer, c'est-à-dire que plus elle va devenir mentale. Donc, effectivement, quelle que soit l'énergie, les techniques permettent de les développer. Le yoga permettait de développer un corps physique, un corps vital, certaines choses, qui ne sont plus développables aujourd'hui par ces techniques ancestrales, parce que l'homme est au summum de ce que ces techniques peuvent l'amener. Les techniques PMC... Les techniques nouvelles que nous avons, qui sont en relief avec le projet OFSA d'ailleurs, le PMC était conçu pour ça, ces techniques sont nouvelles. Et ces nouvelles techniques développent non pas l'énergie vitale, non pas l'énergie physique, non pas l'énergie astrale, mais l'énergie mentale, l'ajusteur de pensée et le contact supramental. Maintenant, tu ne peux pas dire psychologiquement, je vais être mental, c'est vrai, c'est totalement faux. Par contre, par une technique psychologique, tu peux arriver à logistifier suffisamment ta psychologie pour qu'elle ne soit plus de psychologie. Elle devient du mental. Et là, qu'est-ce qui s'agglomère à ça? C'est le mental. Et ce mental s'agglomérant, il reste. Et tu deviens de plus en plus mental. Le mental, donc, tu ne vas pas le chercher dans une boîte de conserve. Par contre, tu, par des techniques, tu peux facilement développer chez toi cette énergie mentale. Tu as d'ailleurs le mental. Ce qu'il faut que tu développes surtout, c'est la connaissance que l'ego va avoir de ce mental pour qu'à un moment donné, l'ego crée un canal entre lui-même et le mental, ce canal qui va servir le mental plus que l'ego. Et là, l'ego vient de se faire avoir. Donc, technique, aucun problème, l'homme peut s'en servir. J'aimerais parler, je parle depuis tout à l'heure un petit peu, disons, du projet OFSA. J'aimerais vous dire quelque chose là-dessus. L'homme, disons, au niveau du programme être contrôleur, la majorité des techniques qui sont dedans sont des techniques qui permettent à l'homme, j'ai déjà parlé un peu des fonctions du PMC, qui vont permettre à l'homme de se diriger vers l'homme nouveau. Pas parce que l'homme nouveau c'est s'enorgueillir d'être l'homme nouveau, simplement que c'est des techniques qui permettent l'amélioration réelle de l'homme. Maintenant, j'ai expliqué aussi à une conférence antérieure que l'homme était prêt à passer 30 ans de sa vie à chercher une technique rapide pour lui permettre d'être conscient. L'homme ne veut pas s'embarquer dans une technique échelonnée sur 3 ans, c'est trop long. Il préfère perdre 15 ans, 20 ans, 30 ans à chercher une technique qui marche en 6 mois. Au lieu de passer 3 ans dans une technique qui fonctionne, l'homme préfère perdre 30 ans à en chercher une rapide. Ce mécanisme qui fait que l'homme recherche une technique rapide fait qu'il tire. C'est long. PMC 1 à 4, on apprend des choses. PMC 5, c'est une nouvelle phase. Plein de nouvelles phases, de toute façon, au niveau du PMC, mais c'est réellement nouveau. Le projet OFSA est en rapport proche et le projet OFSA évolue aussi rapidement que le monde dans le PMC évolue. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas faire partie du projet OFSA, cela ne change rien à l'évolution du projet OFSA. Parce que l'évolution du projet OFSA est en rapport très proche avec la quantité d'hommes nouveaux qui a tendance à apparaître à l'échelle du Québec. Que ces hommes nouveaux veulent ou non, cela pousse le projet OFSA parce que ces hommes nouveaux sont des barrières de moins à la matérialisation de l'énergie supramentale. Qu'ils embarquent ou non, ils ne nuisent plus. Et même, ils aident. Qu'ils embarquent ou non, ils sont dedans. Pas dans le projet, mais dans l'apanage de l'homme nouveau. Prochainement, ici même au centre, on va sans doute même construire un dôme, une maquette d'une des maisons qu'il y aura sur le village. Et cette maquette ne sera pas 2 pieds par 2 pieds, mais sera un dôme d'un diamètre de 20 pieds. Et c'est original. D'ailleurs, les choses nouvelles, ici, c'est assez fréquent. On va prendre une salle, une des salles de cours PMC, et elle va servir de salle d'ingénierie parce qu'on va bâtir le dôme dedans, parce qu'on n'a pas d'autre salle, et les cours vont se donner dans le dôme. Parce qu'on n'a pas de salle. Ce que je veux dire, c'est que le projet OFSA, tous ceux que ça peut intéresser, bien, il serait temps que vous commenciez à écrire, que vous commenciez à regarder. Ce qui vous intéresse, ce que vous pouvez faire, vous ne venez pas me voir tout de suite avec ce que vous écrivez, ces choses-là, c'est pas tout de suite, pas le temps. Mais ici, c'est temps que ceux que ça intéresse, vous commenciez à penser que ça se matérialise l'enfant, que ça s'en vient. C'est mauditement temps, parce que c'est en train de se faire, de se matérialiser, ça avance, même rapidement pour un projet de cette envergure-là. Mais ceux qui ont un attachement, ou ceux qui veulent expérimenter, ou quelle que soit la raison, ceux que le projet OFSA intéresse, bien, il serait temps. C'est le temps maintenant. C'est pas le temps, c'est le temps. Vous commencez à y penser sérieusement, vous commencez à regarder ces choses-là, à barbouiller, à dessiner. C'est psychologique, ça n'a aucune importance. Vous aurez suffisamment de discernement pour voir. Mais commencez à jeter un œil là-dessus. C'est ce que ça intéresse. Et ceux que ça intéresse un peu plus, je ne fais pas de conférence du projet OFSA. Mais je vais en faire une. Une qui va être nouvelle. Et je profite de l'occasion pour vous en parler pour plusieurs raisons. Et en l'occurrence, dimanche, il y a le Symposium initiatique de Montréal, et je ne parle que du projet OFSA, mais d'une façon, en regard avec ce qui s'est déjà fait au niveau du PMC, puis en regard avec ce qui s'est déjà fait au niveau de la province de Québec. Alors, ceux qui veulent en savoir plus, bien, vous êtes les bienvenus, dimanche. Sinon, en attendant, bien, vous pouvez scribouiller, vous pouvez écrire, mais c'est important que ceux qui ont un petit teintement au niveau de ce village scientifique, vous commenciez à travailler. Et ceux qui veulent s'instruire un peu plus au niveau du projet OFSA, alors donc, c'est ça, je vous dis, je fais une conférence dimanche juste sur ça. Alors, vous êtes les bienvenus. Sinon, ben, vous pouvez commencer à tripoter. C'est temps que d'autres fassent quelque chose. OK, bonsoir et merci.